Chapitre 247. Le mérite de s'asseoir assidûment avec ceux qui évoquent Allah, dhikr, et l'interdiction de les quitter sans raison valable. Allah Ta'ala dit: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux. Sourate 18, verset 28. 1447. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Ta'ala a des anges qui parcourent la terre à la recherche de ceux qui évoquent Allah, qui font le dhikr. Lorsqu'ils trouvent des gens qui évoquent Allah Azza wa Jal, ils s'appellent les uns les autres en disant: « Venez, voilà ce que vous cherchiez !» Les anges les entourent alors de leurs ailes, remplissant ainsi l'espace compris entre le premier ciel et la terre. Puis leur Seigneur les interroge, c'est-à-dire les anges, bien qu'ils soient le plus savant: « Que disent mes serviteurs ? Ils te glorifient, t'exaltent, te louent et te magnifient, » répondent les anges. « M'ont-ils vu ? « Non, par Allah, ils ne t'ont pas vu. Qu'en serait-il s'ils m'avaient vu ?» demande Allah. « S'ils t'avaient vu, ils t'auraient adoré, magnifié et glorifié avec plus de ferveur. »« Que me demandent-ils ? » « Ils te demandent le paradis, » répondent les anges. « L'ont-ils vu ? » « Non, par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. » « Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu ?» dit Allah. « S'ils l'avaient vu, ils le convoiteraient, le réclameraient et le désiraient avec plus d'ardeur. » Contre quoi cherche-t-il refuge ? Il cherche refuge contre le feu, répondent les anges. L'ont-ils vu ? Non, par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu ? Demande Allah. S'ils l'avaient vu, ils le fuiraient avec plus de crainte. Je vous prends à témoin que je leur ai pardonné, dit Allah. Un tel parmi eux n'est pas des leurs, mais les a rejoints pour une quelconque affaire, dit l'un des anges. Pas un membre de cette assemblée ne sera malheureux, dit Allah. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah a des anges honorables qui parcourent la terre à la recherche d'assemblées où Allah est évoqué, dhikr. Lorsqu'ils en trouvent une, ils y prennent place et l'entourent de leurs ailes jusqu'à emplir l'espace compris entre elles et le ciel le plus proche. Lorsqu'ils se dispersent, ils montent au ciel, puis Allah Azza wa Jal, bien qu'il soit le plus savant, les interroge. « D'où venez-vous ? » Ils répondent: « Nous venons de quitter certains de tes serviteurs sur terre qui te glorifient, t'exaltent, témoignent de ton unicité, te louent et t'implorent. » Allah dit: « Et qu'implorent-ils ? » « Ils implorent ton paradis, » répondent-ils. « Ont-ils vu mon paradis ? » dit-il. « Non, Seigneur, » répondent-ils. Allah dit: « Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu ? » Ils ajoutent: « Et ils implorent ta protection. » « Contre quoi l'implorent-ils ? » dit-il. « Contre le feu, ô Seigneur, » répondent-ils. « L'ont-ils vu ? » demandent-ils. « Non, » disent-ils. « Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu ? » dit-il. Ils poursuivent: « Et ils implorent ton pardon. » Allah dit: « Je leur ai pardonné. Accordez ce qu'ils ont imploré et la protection qu'ils ont demandée. » Puis ils disent: « Seigneur, parmi eux se trouve un serviteur qui commet des péchés. Il ne faisait que passer puis s'est assis parmi eux. » Allah dit: « Je lui pardonne aussi. Pas un membre de cette assemblée ne sera malheureux. » 1448. Selon Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: « Nul groupe de gens ne se réunit pour évoquer Allah azza wa jal, faire le dhikr, sans que les anges ne les entourent, que la miséricorde ne les enveloppe, que la sérénité, sakina, ne descende sur eux, et qu'Allah ne les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. » Muslim. 1449. Abu Waqid al-Harith ibn Auf, radiyallahu anhu, relate ceci. Alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était assis avec les compagnons dans la mosquée, trois hommes entrèrent. Deux d'entre eux se dirigèrent vers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, restant debout pour l'écouter, et le troisième s'en alla. L'un des deux hommes, apercevant une place inoccupée dans l'assemblée, s'y assit. Le second s'assit derrière le groupe alors que le troisième s'était déjà retourné pour partir. Quand le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, eut terminé, il dit « Voulez-vous que je vous parle de ces trois hommes ?» Le premier qui s'est assis dans l'assemblée a cherché asile auprès d'Allah et il le lui a accordé. Le second, qui s'est assis à l'arrière, a fait preuve de pudeur envers Allah et il en a fait preuve envers lui. Quant au troisième, il s'est détourné. Alors Allah s'est détourné de lui. Al-Bukhari et Muslim. 1450. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, a dit Muawiyah, radiyallahu anhu, entra dans la mosquée alors qu'un groupe de gens s'y était rassemblé. Il les interrogea. Pourquoi vous êtes-vous réunis? Ils répondirent, nous nous sommes réunis pour évoquer Allah, faire le dhikr. Il dit, jurez par Allah que rien d'autre ne vous y a poussé. Ils répondirent, rien d'autre ne nous y a poussé. Il dit, je ne vous ai pas fait jurer parce que je mets en doute votre parole. Personne dans une position semblable à la mienne, auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a si peu rapporté ces paroles. Mais sachez que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alla un jour vers un groupe de ses compagnons réunis en assemblée et leur demanda « Qu'est-ce qui vous a rassemblés ?» Ils répondirent « Le désir d'évoquer Allah et de le louer pour nous avoir guidés à l'islam et nous avoir accordé ses faveurs. » Il dit à alayhi salatu wassalam « Jurez par Allah que rien d'autre ne vous a rassemblés. » Ils dirent « Par Allah, rien d'autre que cela. » Il dit à alayhi salatu wassalam « Je ne vous ai pas fait jurer parce que je mets en doute votre parole. » Mais Gabriel m'est venu pour m'informer qu'Allah se vante de vous auprès des anges. Muslim. 1451.